La sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bonjour cher public et bienvenue à une toute nouvelle saison de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de CIFU 89.1 FM avec un titre ridiculement trop long en compagnie de moi-même, Sébastien Gertin, et de Lucas Hubert. Vous m'aviez manqué. Ouais, surtout que t'as manqué notre dernière émission de la saison d'été. D'ailleurs, je vais en profiter de prime abord pour nous excuser de ne pas avoir encore mis les épisodes de cet été sur Internet. Ça va venir, question de temps, de problèmes techniques et ainsi de suite. Donc, je peux peut-être prendre une minute juste pour parler de l'émission en général, ce qu'on va faire. Vu que c'est la première de la saison. Oui, je voulais prendre une seconde, remercier Mathieu Plante qui, à la dernière émission de l'été, m'avait remplacé. Il a fait un bon travail. Honnêtement, ça m'a donné envie de mettre un peu de poison dans sa nourriture parce qu'il était vraiment très bon. Et honnêtement, j'avais vraiment peur que tu veuilles me remplacer par lui. Mais là, je suis content d'être de retour. Ça enlève tous mes stress. Tant mieux, c'est le fun. Parce que, de toute façon, Mathieu n'est pas assez à la radio de C'est fou présentement. Fait que, il y a genre le tiers de la programmation qui est dedans. Fait que... Donc, en gros, nous, ce qu'on fait dans notre émission, c'est que le concept de notre émission, on pourrait dire, c'est de faire un peu, dans le fond, de parler d'actualité, on va essayer de rendre ça un peu intéressant, idéalement. Puis c'est ça, on est deux gars de philo, fait que des fois, on a une drôle d'approche sur certaines affaires. On va utiliser des grands mots parfois, fait que c'est ça. Soyez attentifs et gardez vos dictionnaires proches. Puis une chose qu'on fait pas mal toujours, c'est de faire un tour de table, en fait. Pour parler normalement, on parle de la semaine d'avant, mais là, vu qu'on a un mois, en fait, notre dernière émission date de la fin juillet. On a deux mois depuis notre dernière émission. Ben, je pense qu'on va parler de trucs un peu plus en général. Fait que je sais pas si vous voulez commencer, Lucas. Ben oui, certainement. Un des sujets qui revient souvent ici, c'est tout ce qui concerne un peu les politiques d'immigration, les stigmatisations de certaines communautés. Et il y a eu la nouvelle ce matin, ils ont réouvert en France l'église de Saint-Étienne, où est-ce qu'il y avait eu un prêtre qui a été assassiné. Il y a quelques mois, par des gens du groupe armé État islamique. Bon, ce qui est un peu mémorable de l'ouverture, c'est qu'il y avait une grande partie de la communauté musulmane de l'endroit qui était là. En fait, c'est à l'initiative de l'imam de la place qui avait dit « Bon, crime, on doit offrir notre soutien à la communauté catholique. » Puis je croyais que ça valait la peine d'être souligné parce que souvent, quand on parle de terrorisme, il y a des amalgames qui se font alors que en fait... ils n'ont pas nécessairement lieu d'être. Ça, les amalgames, on n'aime pas ça. Ça nous rappelle la chanson des Respectables. Fait que... Ouais. Non, ça ne me rappelait pas, mais là, à l'avenir, ça va me le rappeler. Fait que je t'en veux un peu présentement. Je viens de faire du conditionnement négatif. Je te déteste. Mais sinon... Ça commence bien la saison. Il me dit « je te déteste » après même pas une minute en ondes. Mais sinon, pour rester dans l'ouverture d'esprit et le religieux, il y a le pape aussi qui a fait une sortie pour condamner le fait que, dans des écoles, principalement en France, on voit les théories du genre. En fait, pour donner la citation exacte, le pape a dit « Les gens peuvent bien avoir des tendances homosexuelles ou transgenres s'ils le veulent, mais c'est exagéré de leur enseigner ça à l'école. » En fait, le pape, le chef de l'Église catholique, trouve que l'éducation, l'ouverture d'esprit face aux différentes orientations sexuelles et identités sexuelles, c'est du dogmatisme. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de leçon le à nous donner. Le pape catholique, oui. C'est bien de le rappeler parce que souvent, le pape François est connu pour être le pape le plus progressiste à date, ce qu'il l'est. Mais c'est un peu comme de dire que, je ne veux pas donner d'exemple. C'est comme de prendre à peu près la chose la moins progressiste sur Terre et de dire, lui, il est moins pire que le reste de la gang. Donc, on va dire que c'est le plus progressiste de la gang. Fait que c'est toujours bien de le proposer. Le pape n'est pas une personne de gauche ouverte d'esprit progressiste. Il est juste moins pire que la moyenne. Non, exact. Mais surtout, il s'est vu sur justement tout ce qui concerne les identités sexuelles. Il a été beaucoup plus ouvert là-dessus. Il est allé dire que, il était qui pour juger les gens, disons, homosexuels, que... En fait, ce qui était déjà une bonne chose, mais il faut se rappeler aussi que quand il a fait sa tournée aux États-Unis, au même moment où il disait des choses comme ça, il a rencontré des groupes de lobby, très homophobes. Puis il a fait des discours aussi. C'est un peu la façon de parler contre l'homosexualité politiquement correct, c'est de dire il faut protéger les valeurs familiales traditionnelles. Il fait beaucoup aussi. Ce qu'on appelle en bon français du dog whistling. Exact. Sinon, toi, Sébastien? Ben justement, parlant de dog whistling, donc de je cherche le mot, en tout cas, parlant de chien, on sait que là, dernièrement, en fait, cette semaine, on a appris qu'à Montréal, on ne s'embarrasse pas de la science quand on légifère. Je parle bien sûr de du nouveau règlement à propos des chiens méchants, en fait, de toutes les races d'animaux de compagnie qui sont permises et non permises. Bon, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait remarquer, plusieurs personnalités publiques ont fait remarquer sur Facebook que les poissons rouges sont désormais interdits à Montréal parce qu'ils ne sont pas sur la liste des animaux permis. Ceci étant dit, un des problèmes avec ça, en fait, c'est que quand je disais on s'embarrasse pas de la science quand on légifère, tout le monde qui a écouté le reportage a découvert tout ce qui faisait le bilan sur vraiment qu'est-ce que la science dit réellement à propos des chiens agressifs, à propos des pitbulls en particulier, qui est ce qui a créé la polémique cet été. On reviendra pas dessus parce qu'on en a déjà trop entendu parler, mais c'est ça, pour quiconque a écouté le reportage a découvert, ce règlement municipal-là à Montréal n'appelle qu'une chose, le facepalm. Dans tous les cas, ben, un des exemples de ce qui était de ce qui était discuté à découverte, il y a eu certaines études, puis les études sur l'agressivité des chiens, en fait, c'est des études, c'est quand même assez limité le domaine. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, mais une entre autres visait à évaluer selon des critères là, physiques. Est-ce qu'une morsure de tel chien est pure? Est-ce qu'une attaque de tel type de tel chien est pure? Ils ont évalué différentes choses, la pression que les mâchoires de telle race de chien sont capables d'avoir, la vitesse, sa capacité à rester accroché, un paquet de choses comme ça. Et dans toutes les mesures qu'ils ont prises, les pitbulls n'étaient jamais le chien le plus dangereux dans ce cas-là. Là, on disait ben, c'est une question de comportement, les pitbulls sont tout agressifs. Il y avait un spécialiste du comportement canin qui témoignait là encore, qui disait donnez-moi quelques mois et un élevage et je vais vous créer une race de Golden Retriever, qu'on s'entend que c'est reconnu comme étant les chiens les plus doux possibles. Donnez-moi quelques mois, je vais vous faire une race de Golden Retriever complètement enragée et agressif qui vont sauter à la gorge de tout ce qu'ils voient. Le comportement dépend beaucoup des maîtres, dépend beaucoup de comment les chiens ont été éduqués. D'ailleurs, il y a un exemple de ça, c'était là, j'y vais de mémoire parce que ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai écouté le reportage, mais il y avait une autre race justement qui était problématique, je pense que c'était les Doberman, qui avaient été justement qui avaient été élevés pour être des chiens très agressifs, et quand on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, les éleveurs se sont parlé entre eux autres, il y avait comme une espèce d'association des éleveurs de Doberman, et ils ont dans les choix des couples qu'ils faisaient pour faire leur portée, ben ils choisissaient des individus qui étaient moins agressifs, et ça donnait que les Doberman sont moins agressifs qu'ils étaient. Exact, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'avant la sélection, une des raisons pourquoi on a théorisé, Darwin a pensé à la théorie de la sélection naturelle, c'est qu'en fait, il a réalisé qu'il existait déjà chez les éleveurs une sélection artificielle qui se faisait. Et bon, c'est quelque chose avec les chiens qui est très présent. D'ailleurs, pour les chiens avec les nez très courts, par exemple, ils ont réalisé que ça fait quand même un siècle que les chiens ont, ces chiens-là ont les nez de plus en plus courts parce que c'est eux que les gens achètent, parce que c'est les plus cute. Et ça crée un problème parce que le fait que les museaux soient de plus en plus courts, ça comme leur donne... Les pugs, entre autres, puis les races comme ça. Exact. Ça leur enlève une chance de refroidir ou de réchauffer, dépendant de la météo, l'air qu'ils respirent. Puis là, ils ont réalisé que ben, c'est rendu un danger, les périodes de canicule, ces chiens-là meurent très vite. Puis là, ils sont en train de refaire une sélection parmi les élevages de ces chiens-là pour essayer de favoriser ceux qui ont les museaux de plus en plus longs pour leur donner une chance de survivre aux canicules. Ouais. Donc, on remarque qu'on a un gros contrôle là-dessus. Puis d'ailleurs, une autre chose qu'on a contrôle, c'est sur nos perceptions. Un dernier petit point là-dessus, c'est que dans les statistiques, ils disaient que les gens ont tendance, quand ils se font attaquer par un animal agressif, ils ont tendance à tout de suite, premièrement, ils ne remarquent pas tout à fait c'est quoi. Évidemment, on se fait attaquer par un animal qui nous saute dessus. On n'a pas le temps de détailler exactement la forme de sa silhouette, de ses oreilles, de ci, de ça. On a tendance, dans le fond, dans les périodes où il y a eu plusieurs rapports dans les médias de telle ou telle race de chien qui était plus agressif, ben, les gens spontanément disaient cette race de chien-là. Seulement par une question de priming cognitif, dans le fond. Donc, c'est peu fiable le rapport que les gens en font. Quand ils disent qu'ils ont été attaqués par un pitbull, c'est pas nécessairement le cas. D'ailleurs, les pitbulls, c'est pas une race, c'est une catégorie de race qui est très discutable d'ailleurs comme regroupement. Je finis là-dessus, en fait. Il y avait un autre petit truc que je voulais parler très rapidement, c'était l'initiative Faut qu'on jase de Gabriel Nadeau-Dubois et de Jean-Martin Hossan. Pourquoi je dis juste eux autres, c'est qu'on dirait que malheureusement, les autres personnes qui ont été impliquées là-dedans, c'était des quotas de différentes choses. D'ailleurs, ça a été critiqué comme étant quelque chose... Alain Vadeboncœur, c'est le quota des chauves? On va dire. personnellement, je veux dire, Alain Vadeboncœur, je le suis sur Facebook depuis très longtemps. C'est un médecin qui n'utilise pas son statut de médecin pour parler de quelque chose, mais qui a vraiment quelque chose à dire. Par contre, il écrit des livres très intéressants, d'ailleurs. Par contre, c'est pas tout le monde qui le connaît. Puis on a l'impression que ça a beaucoup été, si vous regardez les photos de presse et tout ça, c'est tout le temps Gabriel Nadeau-Dubois et Jean-Martin Hossan qui sont dessus. C'est toujours eux autres qui sont aussi les cibles des attaques, entre autres parce que, bon, on a l'impression qu'il y a un peu un feeling que c'est quelque chose de carriériste, un peu à la Les Orphelins politiques, ce qui a entre autres lancé la carrière politique de Mélanie Joly et de... Machin Plamondon au PQ, de qui on va reparler plus tard dans l'émission. Faut pas oublier, moi je tiendrais à souligner aussi que je connais, il y a Mme Gamache qui est là, qui est vraiment une spécialiste des questions autochtones. Et honnêtement, même si c'est pas un nom qui est très connu, elle vaut la peine d'écouter ce qu'elle a à dire. C'est Saganache son nom. Saganache, je m'excuse. Ouais, c'est la fille de Roméo Saganache, en fait. Oui, mais elle dit qu'elle est étonnée qu'on dise que c'est la fille de Roméo Saganache. Oui, effectivement, mais pour. Je la comprends d'ailleurs. C'est ça. Puis oui, effectivement, toutes les personnes qui sont là, toutes leurs raisons d'être là, mais on dirait que les médias n'ont pas compris ça. C'était plutôt là ce que je voulais en venir. Puis c'est ça. Puis on dénonce beaucoup le cynisme de la démarche, comme quoi ça serait quelque chose d'un peu carriériste pour repartir un nouveau encore parti politique, une chose qui commence à être une habitude pour, entre autres, pour Jean-Martin Hossan. Mais rendu là, c'est qui est le plus cynique? Je pose la question. On le sait, la gauche québécoise a un peu de misère, en fait, beaucoup de misère à donner le bénéfice du doute. Ça amène des choses un peu surréelles, du genre Yannick Marcil qui partage un article de Mathieu Bock-Côté. Ça, je ne l'ai pas encore compris, honnêtement. Je ne partirai pas dans les détails là-dessus. Si vous connaissez Yannick Marcil et vous connaissez Mathieu Bock-Côté, vous allez comprendre que ce n'est pas un duo très, très habituel. Bref, c'était tout pour le tour de table. Oui. Je crois que... En fait, moi, je voulais parler très, très brièvement, en fait, pour introduire le prochain segment, la rentrée télévisuelle. Oh! Qu'est-ce qui se passe dans nos télés? En fait, moi, j'ai spoté trois affaires qui vont être intéressantes à suivre. Bon, premièrement, il y a sur Netflix, ils viennent de rajouter Luke Cage, qui est, en fait, pour ceux qui ont écouté... Jessica Jones, c'est, disons, celui avec qui elle a une certaine relation, disons, un peu compliquée. Celui qui a le pouvoir, Spoilers. C'est un peu spoiler dans Jessica Jones, là. Mais c'est pas grave, tout le monde a écouté Jessica Jones. Non, mais en fait, bon, il est un peu... Il a la peau dure. Ouais, on disons va dire ça. Puis bon, ben, en fait, c'est un peu la troisième série que Netflix fait qui se passe dans l'univers de Marvel. Bon, il y a Daredevil, entre autres. Puis bon, ce qui est intéressant avec Luke Cage, c'est que c'est un peu un super-héros qu'ils ont fait dans les années 70 en support au mouvement des droits civiques pour les Noirs. Puis disons que c'est un sujet qui semble vouloir revenir dans l'actualité sporadiquement depuis, surtout les deux dernières années. Donc, ça va être intéressant à suivre. Ça, je l'ai pas encore commencé. Sinon, il y a Infosex et mensonges avec Marc Labrèche qui commence, dans le fond, c'est sur, je crois que c'est sur RTV ou sur Explora. Je me souviens plus de toute façon pour les gens de notre génération. On n'a pas ça une télé, c'est sur Internet. Ça se trouve très facilement. Ça va être sur tout.tv, ouais. C'est un peu une version française de John Oliver pour ceux qui connaissent avec un éditorial. Tout ça, Radio-Canada, on laissait carte blanche. Mais bon, sinon, pour parler de la troisième série que j'ai bien hâte d'écouter, on va changer de segment, on va faire segment politique fiction. Je te laisse expliquer un peu c'est quoi le concept. Ben effectivement, une chose qu'on fait depuis nos débuts l'année dernière, c'est on prend des différents ouvrages de fiction puis on va parler un peu des théories politiques qu'ils ont là-dedans, en fait, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, des fois les trucs de divertissement ne sont pas du divertissement pur. Il y a quand même des bases intellectuelles à ça. On avait commencé, en fait, dans notre première émission, où j'avais parlé de l'économie dans l'Empire galactique de Star Wars et des mauvais papiers qui s'étaient écrits là-dessus. Puis là, ben aujourd'hui, je crois que tu voulais parler d'une nouvelle série d'HBO qui est Westworld. Westworld, oui. En fait, c'est, bon, bientôt, Game of Thrones va terminer. Donc, HBO essaye de se partir sur une nouvelle grosse série. En fait, Westworld, vous donne une idée, pour ceux qui ont écouté Game of Thrones, c'est le double du budget de Game of Thrones. Ils ont déjà eu quelques scandales autour de ça, qu'on disait peut-être probablement des scandales dans le but de faire de la promotion, parce que ça a l'air d'un... La méthode Trump. La méthode Trump, effectivement. D'ailleurs, il y a un de ces scandales, c'est qu'il avait engagé des figurants, disons, très, très, très bien payés pour juste avoir une grosse orgie, puis filmer ça pour mettre dans des scènes pendant la série. Bon, en fait, Westworld, c'est une série qui est basée sur le livre de Michael Crichton. Pour ceux qui ne connaissent pas Michael Crichton, c'est celui qui a écrit les Jurassic Park, entre autres. Ce que le commun des mortels appelle Michael Crichton. Crichton. Bon, mon erreur, mon erreur. En fait, lui a été connu probablement surtout grâce à Jurassic Park. Il a aussi, bon, à la fin de sa carrière, est devenu un climato-sceptique. Il a écrit un roman de, justement, un roman de politique-fiction où est-ce que, bon, tout ce qui était l'environnement, c'était des groupes terroristes qui essayaient de faire ça. Puis, en fait, il avait été m'écrier là-dessus parce que ça a été le seul spécialiste, je mets ici spécialiste entre guillemets parce que c'est un romancier et non un scientifique, qui avait été appelé sous George Bush à parler devant le Congrès sur les réchauffements climatiques. Ça a été le seul spécialiste. Quand les États-Unis ont décidé de ne pas signer Kyoto, c'est à cause que ce dude-là était allé dire que non, le réchauffement climatique, c'est un complot de la gauche. Bien sûr, ça part un peu de lui à base. C'est un romancier. On serait porté à dire que Michael Crichton est un complot de la droite, en fait. J'ai scrappé le punch de ma blague. Désolé. Mais bref, le concept de Westworld, en fait, c'est que ça se passe dans le futur, c'est un peu rétro-futuriste. Ça se passe dans le futur, c'est un parc d'attractions qui est tenu par des robots. On prend pour acquis que l'intelligence artificielle s'est développée énormément. Puis eux autres, les robots tiennent un parc d'attractions dont le thème est le Far West. Donc c'est comme mi-futuriste, mi-Far West américain pour le fan de Firefly qui est assis devant moi, probablement que ça l'interpelle pas mal. Je suis titillé. Une autre affaire qui peut titiller, c'est produit par J.J. Abrams. Je suis encore plus titillé. Oui, en espérant. Je lui ai pas encore pardonné les trois dernières saisons de Lost, mais ça, c'est une autre chose. Moi, j'ai pas encore pardonné le dernier Star Trek, mais bon. Bon, c'est J.J. Abrams qui produit ça, entre autres. Et en fait, c'est ça. Le gros changement qu'ils vont faire sur la série, c'est que la série... Normalement, le livre se base surtout sur les êtres humains qui vont visiter ce parc d'attractions-là, alors que la série va au contraire se pencher sur les robots, eux autres, comment est-ce qu'ils vivent ça. Et en fait, la grosse question de la série, c'est qu'en fait, les robots finissent par réaliser que ils ont été créés à l'image des humains. Puis ils commencent à se dire, merde, est-ce que c'est la meilleure chose pour nous à être créés à l'image des humains? Est-ce qu'on devrait un peu se distancer de l'image des humains puis essayer de devenir plus, disons, autonome puis de ne pas se mêler à ce bordel qu'est l'humanité? Bref, en fait, la série va tourner là-dessus. C'est pas tant une série. HBO essaie de présenter ça comme, en fait, un gros film de 10 heures qui va être présenté hebdomadairement. C'est de plus en plus ça, les séries, d'ailleurs. C'est le format a changé. En fait, les séries sont en train de remplacer les films jusqu'à un certain point. On parlait, entre autres, des séries, les séries originales de Netflix, celles basées sur l'univers de Marvel, entre autres, c'est tout à peu près ça. Chaque saison, se trouve être un film d'une dizaine d'heures découpé en plusieurs parties. C'est tant mieux parce que le cinéma, honnêtement, n'a pas su se renouveler dans les dernières années. Les séries le font à leur place. Mmh. Ouais, la nouvelle tendance avec les super-héros, c'est bien le fun, mais effectivement, maintenant, ça finit par faire du beaucoup pareil au même. Puis là, je suis un grand fan de l'univers de Marvel, mais à un moment donné, ça, c'est ça. Ça finit par revenir un peu. Parlant de trucs qui ont l'air trop beaux pour être vrais, Sébastien, tu voulais nous parler de la course à la chefferie du PQ? Ben oui, ben c'est ça. Cet été, on avait développé un nouveau segment qu'on appelait les quatre chevaliers de l'apéculipse. Soudainement, ils devinrent cinq. Soudainement, à la fin de l'été, ils redevinrent quatre à cause de Madame Yvon, qui était une des personnes que je trouvais très intéressante dans cette course-là. Malheureusement, qui a dû quitter. C'est labyrinthite qu'elle dit. De raisons de santé, je pense qu'on... Peu importe la raison, c'est raisons c'est de santé. C'est ce qu'elle avait dit. Oui, des raisons de santé, elle a dû quitter. Par contre, je trouve ça dommage parce que c'était quelqu'un que je trouve, même si je ne suis pas dans son camp. D'ailleurs, je vais le dire tout de suite, moi j'ai pris ma carte du PQ pour pouvoir voter sur cette course à la chefferie-là. Je vais tellement t'écœurer avec ça toute l'année. Oui, je le sais. Mais je trouvais important de le dire parce qu'effectivement, ça peut introduire un billet parfois. Puis je suis même pas encore convaincu que je vais voter pour le PQ aux prochaines élections, tout dépendant qui gagne. Je pense que ceux qui nous suivent depuis nos débuts savent à quel point j'aime Jean-François Lisée. Not. D'ailleurs, moi, je l'aimais, je n'avais même parlé en bien à la dernière saison, puis j'aimerais d'avance retirer toutes les choses bien que j'ai pu dire sur Jean-François Lisée, toute l'estime que j'ai pu avoir pour lui, j'aimerais la retirer publiquement. Et, s'il vous plaît, revenez-moi pas avec ça. Je retire tout ce que j'ai dit de bien sur lui. On va crever l'abcès, ce qui a vraiment été la pire chose. En fait, c'est les prises de position récentes sur l'immigration et son retournage de Kazak à propos de la fameuse charte de la laïcité qui avait fait perdre des élections du PQ en 2014. C'est ça. L'Élysée, on est rendu que... Moi, en fait, je voulais garder ça comme clou du segment, mais parce que là, le vote va être bientôt, en fait, va commencer dans les prochains jours, puis on va avoir le résultat la semaine prochaine. En gros, moi, la façon que je vois ça venir, c'est que ce qui va arriver, c'est que les 50 ans et plus vont voter pour l'Élysée parce qu'il parle de symboles religieux et de ces autres dadas-là. Ces autres choses-là qui parlent beaucoup aux gens de la génération des boomers, mais qui malheureusement ne sont plus tellement d'actualité, mais quand même, c'est ce qui fait voter le cœur du PQ. Les jeunes vont se séparer entre Martine Ouellet et Alexandre Cloutier, excusez les lapsus. On dirait que je dis toujours, je passe mes journées à dire Jean-François Lisée, fait qu'on dirait que tous mes noms commencent par Jean-François à cette heure. Il est partout présentement. Au moins, ça a l'avantage de donner de la couverture au PQ, ce qui manquait depuis quelques années, à part pour les fois où M. Pelado se mettait le pied dans la bouche. D'ailleurs, on en est venu à s'ennuyer un peu de lui, je crois, avec ce qui s'en vient. Non. Finalement, non, pas tant que ça. C'est ça. Moi, l'impression que j'ai, c'est ça, c'est que les anciens du PQ vont voter pour l'Élysée, les plus jeunes vont se séparer entre ce qui serait la relève du PQ, vont se séparer probablement entre Martine Ouellet, pour ceux qui sont plus les souverainistes convaincus, et du côté de Cloutier, pour ceux qui sont plus les progressistes de la gang et qui voudraient que le PQ revienne un peu plus à gauche, peut-être. Parce que là, ce que ça va donner, c'est que ça va diviser le vote éventuellement, puis on va arriver, ça va finir quand même par être Lisée le chef du PQ. Je pense qu'on est... Apparemment que présentement, dans les sondages qui ont été faits, ça a été très serré, mais là encore, ceux qui sont des habitués de l'émission savent à quel point je prends au sérieux les sondages qui sont faits au Québec, c'est-à-dire pas du tout. Moi, j'ai un gros feeling c'est une question peut-être un petit peu instinctuelle, mais je viens de dire un peu mon raisonnement par rapport à ça, puis j'ai très l'impression que le prochain chef du PQ va être Lisée. C'est aussi l'impression que j'ai, parce que là, les sondages sont menés auprès de la population. La population, c'est pas celle qui a sa carte du PQ au complet. Donc, si la population hésite entre l'utiliser, j'ai l'impression que qui est-ce qui principalement a sa carte du PQ, c'est les vieux boomers qui se sentent interpellés par toutes les questions identitaires. Puis comme, mon Dieu, ça dérange les autres. C'est ça. Donc, je pense qu'on a un truc un peu safe. Sinon, pour ce qui est de peut-être faire un survol général, parce que là, j'ai commencé ça en prenant pour acquis que tout le monde était au courant de qui disait quoi puis qui croyait quoi, et ainsi de suite. En gros, on a Lisée que là, présentement, fait campagne sur l'identitaire. Il parle de ramener jusqu'à un certain point une nouvelle charte de la laïcité, ou au moins relégiférer sur le sujet. Là encore, dans l'absolu, je ne suis pas contre l'idée. Il y aurait possibilité de faire des lois de clarification. Clairement, il y a une demande pour ça. Les gens, ça les interpelle. Fait que c'est sûr qu'on pourrait faire quelque chose pour ça, mais les points de vue qu'il prend, moi, je trouve qu'il y a un point de vue dangereux par rapport aux immigrants. J'en ai parlé je ne veux pas reprendre non plus tout ce que j'ai dit à Assemblage requis la semaine dernière, mais l'émission du matin, d'ailleurs. On va faire une petite plug en même temps. Je pense que considérer l'immigration uniquement d'un point de vue économique, c'est un peu dangereux. C'est des personnes quand même qui viennent s'établir ici. Puis on peut pas s'attendre d'eux autres à ce qu'ils soient du jour au lendemain. Ils sont déjà déracinés, en fait, pour partir de leur pays. On peut pas leur demander de soudainement devenir des... parlait de la bonne immigration puis tout. Là, je parle de petits débats qu'il y a eu des dernières semaines, de petites polémiques là, à propos de trucs qu'il aurait dit, que finalement, il n'a pas dit ça a été un peu mal représenté, et ainsi de suite. Mais en fait, il a quand même, à la base, il a quand même parlé de bons immigrants, de moins bons immigrants. Il a même parlé d'immigration parfaite. Oui, l'immigration parfaite. C'est-à-dire Paris, Bruxelles. Oui, ben c'est que ce qu'il prenait pour acquis, en fait, c'est qu'il y a certains immigrants... On peut pas dire que c'est faux, en fait. C'est qu'il y a des immigrants qui vont clairement être plus faciles à intégrer que d'autres. L'affaire, c'est à quel point est-ce qu'on peut prendre ça comme unique critère. Moi, ça donne, je fais mes travaux de maîtrise sur ces genres de sujets-là. Et ce qui en ressort, c'est qu'en fait, c'est que la société haute que le Québec est dans ce cas-là se donne tous les droits et fait ce qu'on appelle en bon français du cherry picking. C'est-à-dire qu'on va chercher vraiment juste ce qui fait notre affaire et on ne pense pas à l'autre côté de la médaille. L'autre côté de la médaille étant, c'est que certains immigrants, oui, effectivement, ceux qui viennent de Paris, Bruxelles, et ainsi de suite, ont peut-être moins besoin d'immigrer au Canada que certains immigrants, par exemple, du Maghreb ou de trucs comme ça, qui, eux aussi, d'ailleurs, parlent français. Ont certaines autres quand même, je veux dire, sont pas complètement incompatibles à venir ici non plus, qui, eux autres, auraient peut-être beaucoup plus, amélioraient beaucoup plus leur situation et auraient peut-être un besoin plus grand de venir ici. Donc, c'est ça que je trouve dangereux après, avec ce genre de discussion-là, c'est de voir ça comme si on était des grands généreux d'ouvrir notre porte à l'immigration, alors qu'en fait, l'immigration fait déjà beaucoup, beaucoup de choses pour nous. Donc, ça, c'est une chose. J'ai beaucoup parlé de Lisa encore. Je vais me calmer un peu. Il y a Martine Ouellette qui représente beaucoup. Ben, elle, ses deux chevaux de bataille, c'est l'environnement, premièrement. Ce qui lui revient un peu d'en face, parce qu'à l'époque, elle avait voté avec la ligne de parti pour l'exploitation du pétrole sur l'île d'Anticosti. Ce qui lui revient un peu d'en face maintenant qu'elle devient la Greenpeace du Parti québécois. Et l'autre chose, ben, elle, c'est la souverainiste pressée. Sa principale promesse, son principal cheval de bataille dans la course présentement, c'est qu'elle, le référendum d'accession à la souveraineté du Québec se ferait dans le premier mandat d'un gouvernement péquiste. Donc, elle, c'est ça, c'est plus les souverainistes pressés. C'est sûr que c'est toujours rafraîchissant d'avoir une femme en politique, dans la politique de haut niveau, on va dire, parce qu'elles sont encore malheureusement trop rares. Monsieur Plamondon, qu'on parlera pas trop parce que c'est les orphelins politiques, puis honnêtement, moi, j'ai jamais compris qu'est-ce qu'il faisait exactement dans cette course-là. On dirait qu'on n'est pas porté à s'informer sur lui. C'est un peu un genre de... Ils viennent de se garrocher dans... Il a pris sa carte du PQ quelques semaines avant de se présenter à la chefferie. C'est un peu un cas spécial. C'est un peu notre Mélanie Joly au PQ. Donc, c'est ça. Je veux pas trop le goût d'en parler. Sinon, le dernier, qui est... Puis là encore, je vais avertir. Moi, c'est celui peut-être que je me sens le plus à l'aise de voter pour. C'est Alexandre Cloutier. Lui fait, entre autres, son cheval de bataille. Mais premièrement, lui a décidé de ne pas se prononcer sur une date pour le référendum d'accession à la souveraineté du Québec. Ce que moi, je trouve une bonne chose parce que ça empêche qu'on s'ostine sur la date. Ce qui est malheureusement ce que le PQ a trop fait. Au lieu de parler de stratégie, il parle seulement de date. À quel moment on fait le référendum? On parle pas tellement d'éducation populaire, on parle pas de campagne, on parle pas des vraies raisons pourquoi on veut faire l'indépendance. On prend ça comme un bien acquis, mettons, au lieu de rejustifier pourquoi est-ce que c'est encore pertinent en 2016, ce que je trouve dommage. Là-dessus, je trouve que parfois Québec solidaire va même faire une meilleure job que le PQ, mais Québec solidaire se fait pas reprendre dans les médias quand ils parlent de ça. Donc, c'est un peu dommage, mais bref. Et Alexandre Cloutier parle aussi, un autre de ses chevaux de bataille, lui, c'est plus l'éducation. Donc, il s'est fait traiter de candidat de l'establishment au début de la campagne, ce qui a peut-être été travaillé un peu contre lui, parce que l'establishment du PQ, on la surnomme la machine à perdre. Rendu là présentement, je pense que en fait, le candidat de l'establishment, ça a pas mal changé de point de vue. C'est pas mal rendu Jean-François Lisée. Mais bref, c'est encore l'étiquette qu'on met à Alexandre Cloutier. Donc, je pense que j'ai assez parlé du PQ. Oui, non, mais pour Cloutier, je veux dire, il y a quand même une plateforme qui est intéressante. Moi, c'est ce que j'aime. C'est que, bon, premièrement, par exemple, il voulait ouvrir une commission d'enquête sur le racisme systémique. Oui, ce que là encore a été décrié par une certaine aile du PQ qui trouve que le racisme systémique, on ne devrait pas faire de commission d'enquête là-dessus. Ça n'existe pas, c'est vrai. Ça n'existe pas. C'est la date de la gauche de nous, islamo-gauchistes que nous ouais, sommes. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Il a aussi dit, il a lancé, je crois que c'est cette semaine ou la semaine passée, son idée du passeport culturel, que je trouve honnêtement, c'est une très bonne idée. En fait, c'est que ce qu'il voudrait, c'est offrir à tous les étudiants de secondaire 3, 4 et 5 et aux immigrants, ici, un passeport culturel de 50 $, c'est-à-dire que par année, le gouvernement paie jusqu'à 50 $ de frais culturels, c'est-à-dire si les gens veulent aller voir des pièces de théâtre, des chanteurs, chanteuses québécois, ou s'ils veulent aller simplement visiter des musées. Et en fait, fait, ça, on parle vraiment d'une politique qui est d'intégration pour les immigrants, puis qui peut aider aussi les jeunes qui sont pas nécessairement, qui sont plus tournés peut-être vers l'Internet, ces choses-là, la culture peut-être plus américaine, à aller voir qu'est-ce qui se passe ici. En fait, si c'est gratuit, si c'est, ils ont jusqu'à 50$ de payer. En tout cas, je trouvais que c'était une très bonne idée aussi. Oui, il y a différentes choses comme ça. Il y avait aussi d'enlever les... dans le fond, de dire que les programmes spécifiques dans les cégeps qui se donnent ailleurs qu'à Montréal ne pourraient plus se donner à Montréal, dans le fond, ce qui ferait que, mettons, ben, les programmes spécialisés, les gens à Montréal, on continuerait de donner les prix universitaires et les certains trucs comme, mettons, comme les soins infirmiers, c'est un incontournable, travail social, des trucs comme ça, mais les programmes plus spécialisés comme foresterie, comme agriculture, médias, ainsi de suite, ça se donnerait juste dans les cégeps de région, ce qui est une tactique assez géniale pour, premièrement, revitaliser les cégeps de région dans un premier temps, ou aussi revitaliser les régions tout court. Parce qu'il y a, bon, là, il y a des statistiques là-dessus, comme quoi est-ce que quelqu'un qui fait ses études dans une région éloignée a plus de chances d'y rester que quelqu'un qui fait ses études à Montréal d'y aller. D'ailleurs, ça semble un peu tautologique de le dire, mais il y a vraiment eu des recherches de fait là-dessus. Donc, puis là, je ne veux pas me mettre à faire mon ma cheerleader d'un candidat du PQ, mais effectivement, c'est sûr que la raison pourquoi est-ce que je me suis prononcé pour, c'est que j'aime ses idées à la base. Donc, on verra ce que ça va donner. De toute façon, on vous revient après la pause en parlant d'une autre course. Ouais, c'est ça. Un peu plus spécial même. On vous revient. Rebonjour, cher public. Vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de C'est fou 89.1 FM qui trouve que la matinée est encore jeune. Oh. Bon, fait qu'on va espérer pas se faire traîner en justice pour ce que je viens de dire. Donc là, en fait, comme on a dit avant la pause, on parlait de la course à la chefferie du PQ, mais on voulait parler d'une autre course à la chefferie. Cette fois-ci, par contre, c'est aux États-Unis. Dans le fond, une course à la chefferie du pays. Ouais, une course à la chefferie du pays. quand même. C'est notre première de la saison, on est encore un peu rouillé, donc je m'excuse pour mes hésitations et mes phrases qui ne se peuvent pas. Donc, dans le fond, c'est un segment que nous autres, on avait appelé, puis d'ailleurs, les fins renards et les fines renardes remarqueront que nous n'avons pas de ce qu'on appelle des bumpers, des petits trucs sonores entre nos segments, parce qu'on ne prend jamais le temps de le faire. Mais c'est ça, ce segment-là, on l'a surnommé « L'herbe est toujours plus jaune chez les voisins du Sud ». Au début, ça parlait des courses présidentielles, autant du côté des courses à la chefferie, autant du côté démocrate que républicain aux États-Unis, d'où les voisins du Sud, et on parlait de comment est-ce que ces deux courses à la chefferie-là étaient ridicules, en fait. Donc là, maintenant que c'est officiel, d'ailleurs, on n'a pas été en onde depuis que c'est devenu officiel, mais Hillary Clinton et Donald Trump sont les deux candidats officiels des deux grands partis américains. Donc là, c'est maintenant la course présidentielle qui est entamée, et c'est une course présidentielle qui est tout aussi irréaliste, sinon plus, que les deux courses à la chefferie. Donc, Lucas, c'est notre spécialiste américain, fait que je vais te laisser en jaser un peu. Oui, bon, ben, je voudrais remonter un peu à ce qui s'est passé plus tôt. Je voudrais commencer avec Clinton et sa pneumonie. En fait, juste pour montrer à quel point Donald Trump est ridicule, c'est que, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y avait un discours, en fait, je pense que c'était la marche de la fierté, quelque chose comme ça, à New York. Et bon, Hillary Clinton a perdu connaissance et, bon, ses gardes du corps l'ont ramené dans la voiture. Et là, la seule chose que ça parlait dans les médias, c'était « Oh mon Dieu, la santé d'Hillary Clinton, qu'est-ce que Trump va dire? Oh mon Dieu, Trump, qu'est-ce qu'il va dire? Il va aller dire qu'elle est trop vieille, qu'elle a une santé trop fragile pour faire ça. » Et finalement, la seule chose, Trump n'a rien dit sur le sujet. En fait, il a fait un petit message pour dire je lui souhaite bon rétablissement, c'est tout. Mais la seule chose de laquelle on a parlé pendant que Hillary Clinton était hospitalisée, c'était qu'est-ce que Trump va dire. Je veux montrer à quel point cet homme-là est une bête médiatique. Je veux dire, quand il parle, on fait juste parler de ce qu'il parle, puis même quand il parle pas, on fait juste parler de ce qu'il dit pas. C'est vraiment ridicule, c'est une caricature, cette élection-là. Puis on peut le traiter d'imbécile autant qu'on veut pour ce qu'il dit, mais en fait, ça a l'air d'être une stratégie qui est assez... efficace. Assez efficace, ce qu'il fait, en fait. Parce que justement, en disant toujours des choses polémiques, ben on voit le résultat-là. Oui. Ça fait qu'on se demande quelle niaiserie il va dire après, puis il n'y a pas besoin de se faire de la pub, les médias la font pour lui. Trump, depuis que la télévision existe, c'est le premier candidat à l'élection américaine qui n'a pas payé une pub à la télévision. Il n'y a aucune publicité de Donald Trump à la télévision américaine pour les gens voter pour lui, mais il a tout le temps d'antenne, il a tout ce qu'il veut. Il a juste à appeler quand il veut passer sur quelque chose, il a juste à appeler les journalistes et leur dire « Ben, j'aimerais vous jaser de ça live ce soir. » Eux autres, en fait, oui, oui, parce qu'ils se disent, c'est clair qu'il va dire encore une de ses niaiseries, puis effectivement, il le fait. Donc, ça va faire monter nos codes d'écoute. Ils ont juste à dire que Trump va être là, puis les gens veulent voir autant ses supporters que les gens qui le détestent vont l'écouter. Donc, dans le fond, il a vraiment retrouvé sa place dans l'écosystème médiatique américain. Puis d'ailleurs, je trouve là-dessus, puis là, je ne veux pas trop faire l'éloge non plus, parce que sinon, en tant que président américain, moi, j'en fais des cauchemars, là, de le voir là. Mais. On s'entend que c'est vraiment effectivement, il a trouvé sa place dans l'écosystème médiatique américain. Puis il était temps que quelqu'un le fasse, en fait, ne pas payer de pub à la TV, parce que surtout TV américaine, ça coûte très cher. C'est de l'argent qui peut être investi ailleurs. Lui, dans son cas, c'est qu'il a décidé de faire une campagne cheap, en fait, carrément, qui lui coûte pas trop cher. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, il n'y a pas beaucoup, justement, il paye pas de publicité, rien. Ce qui est intéressant, c'est que le gros de la campagne se passe, c'est où? C'est sur les médias sociaux. On sait pas trop comment c'est géré, les médias sociaux, chez Donald Trump. On sait qu'il y a une équipe qui gère ses tweets, puis on sait pas trop quand Donald Trump tweet, si c'est lui ou si c'est son équipe. On sait que parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre. On se doute que, bon, cette semaine, il y a eu des tweets à partir de 3 heures de la nuit, pendant toutes les nuits. On se doute que c'était lui, c'était mal écrit, c'était bon, etc. Mais il y a une équipe, mais on sait pas trop ça marche comment, on sait pas comment différencier. Du côté de Clinton, par contre, ça c'est extrêmement organisé. Il y a une équipe d'une centaine de personnes qui se relaient 24 heures sur 24 pour faire les médias sociaux. On sait quand c'est l'équipe qui écrit, quand c'est Hillary elle-même qui fait ses messages, Hillary Clinton qui fait ses messages, si précisé, elle signe avec ses initiales les tweets. Bon, en fait, c'est ça, on est dans, un peu dans l'ère de la spontanéité. Le mot d'ordre pour l'équipe de Clinton, c'est de jamais laisser une niaiserie de Trump sans réplique. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est là juste pour vérifier le Twitter de Trump, mais aussitôt que Trump dit quelque chose, fait quelque chose. Le but, c'est de tweeter là-dessus, d'essayer d'avoir le mot doux, le truc qui va être viral. Et bon, d'ailleurs, là-dessus, on peut dire qu'ils sont quand même assez doués. Depuis hier, ils ont lancé un site Internet qui est complètement viral. C'est un calculateur, savoir, selon votre revenu annuel, si vous étiez Donald Trump, vous paierez comment d'impôts? Fait qu'on remplit tout, on écrit notre revenu annuel, tout ça. Puis quand on fait calculer, ben ça nous dit que si on était Donald Trump, on ne paierait pas d'impôts. De toute façon. Parce qu'il n'a pas payé d'impôts depuis un petit bout. Fait que c'est ça, il y a une équipe qui est là juste pour faire des choses comme ça, des stunts publicitaires qui se passent principalement sur les médias sociaux, qui sert à essayer de faire des trucs virales. Bon. Sinon, il y a aussi eu le débat, le premier débat. Ce qui est drôle, c'est qu'on s'attendait à ce que, bon, Trump se plante complètement, ce qu'il a, bon, fini par faire relativement, mais pas de façon absolue. Ça n'a pas été un chaos. Moi, ce que j'ai trouvé surtout drôle, c'était de voir que en bout de ligne, au début, il parlait d'économie dans le débat. Je ne sais pas, est-ce que tu as écouté le débat? Non, moi, j'ai pas dignifié cette chose de mon écoute, malheureusement. Ah, j'ai eu le malheur de passer cette heure et demie-là devant mon écran. Les premières minutes parlaient d'économie, mais là, c'est drôle parce que Trump reprochait à Clinton, bon, à peu près tous les traités de libre-échange qui ont été signés par Bill Clinton et ceux qu'elle a soutenus lorsqu'elle était au Congrès, au Sénat, et quand elle était aussi à la Maison-Blanche comme secrétaire d'État. Et ben, là-dessus, honnêtement, on n'a presque pas le choix de donner le point à Donald Trump. Il n'arrête pas de dire que, bon, en fait, c'est ces traités de libre-échange-là qui ont fait perdre une grande partie des emplois bien rémunérés sans diplôme aux États-Unis. Mais effectivement, on est obligé de donner le point. Par contre, ça s'est terminé là. C'est à peu près le seul contenu intellectable qui a été dit par Trump en soirée. Ça veut dire intelligible. C'est beaucoup plus drôle, intellectable. Intellectable. Parce que c'est délectable. Exactement. C'était voulu, tu sais. Mais non. Tout est calculé. Tout est prévu. Bon, ensuite, bien sûr, il s'est lancé dans, si on veut, ce qui est traditionnel au Parti républicain, c'est-à-dire, bon, on va baisser les impôts des plus riches, puis comme par magie, ça va nous faire beaucoup plus d'argent, ce qui est un mensonge. Ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, en fait. Oui, mais oui, mais le but, c'est aussi de dire plus que les impôts des plus riches sont basses, plus qu'il va y avoir de gens qui vont vouloir se rendre dans ces catégories-là, qui vont créer de l'emploi. C'est pas c'est ça. C'est comme une logique un peu étrange parce qu'on se dit « Ah ouais, non, si je suis riche, je vais payer de l'impôt, fait que je veux pas être riche. » J'aime mieux rester pauvre. Oui, mais c'est pas juste dans la logique que ça fonctionne pas, c'est dans les faits aussi. J'étais en train de lire d'ailleurs le livre « Le capitalisme a perdu la tête » de Joseph Stiglitz, qui était d'ailleurs celui qui s'occupait du conseil économique sous Bill Clinton. Puis il dit en fait, dans les faits, on a vu que c'était faux, ça fonctionnait pas. Cette affaire-là, en fait, il dit ce qu'on voit un peu partout à travers le monde, c'est que ça donne une excuse pour baisser les impôts. On prétend que ça va augmenter les revenus de l'État. C'est pas le cas. Et ensuite, on fait une panique alentour du déficit que ça l'a créé. Et on se dit qu'il faut couper dans les services sociaux pour régler ce déficit-là. Il dit tout est calculé. Puis c'est quelque chose qu'on voit. On est en train de faire exactement la même chose ici. Mm-hmm. On dit on va couper dans les services sociaux, on va baisser les impôts. Mais là, ça va faire baisser le revenu. Fait qu'il va falloir couper dans les services sociaux un coup qu'on va baisser les revenus de l'État. C'est bon. En fait, c'est stupide. C'est une magnifique spirale descendante qui ne se peut pas. Bon, il s'est fait poser aussi des questions, Trump, sur les minorités, mais il y a des amis noirs, fait qu'il ne peut pas être raciste. Ce qui concerne les conflits, disons, entre certaines forces policières et certains groupes à certains endroits chauds des États-Unis, il a dit qu'il fallait privilégier l'ordre, que la police devrait avoir plus de pouvoir, ce qui est un peu ridicule. On sait que généralement, c'est l'abus de pouvoir de la police qui crée ces désordres-là. Là. Exact. Pour Trump, les policiers devraient carrément avoir le droit dans les quartiers défavorisés de fouiller tout le monde sans raison, puis de bon. Mais évidemment, ça fera pas de révolte. Ben non. Je veux dire, les gens vont juste faire « Ah, OK, c'est correct, la police. La police est là pour nous. La police nous fouille à tour de bras. » Il y a aussi la phrase qui a été virale où est-ce que, Clinton parlait des impôts de Trump en disant que probablement qu'il n'en paie pas. D'ailleurs, on a eu la sortie du Wall Street Journal, si je me souviens bien, ou du New York Times cette semaine, qui, effectivement, ils ont leaké les impôts de Trump. Et effectivement, il ne paie pas d'impôts depuis 20 ans. La seule chose qui a pu répondre à ça, c'est « That make me smart. Ça me rend intelligent si je réussis à pas payer d'impôts. » évidemment. Ensuite, il dit qu'il ne voulait pas rendre ses rapports d'impôts parce qu'il y avait un audit sur ses rapports d'impôts puis qu'il publierait après. Ça, c'est drôle parce que le département de la finance américaine a fait une sortie publique pour dire « Oui, mais tout le monde a des audits d'impôts puis ça ne t'empêche pas de publier tes impôts. » Clinton il a tenu une tête là-dessus. « Non, vous avez le droit de donner des impôts pour ça. » L'animateur, le modérateur a passé à peu près 5 minutes à s'obstiner. « Oui, non, mais ce que vous dites, ce n'est pas un fait. » Puis Clinton, puis Trump de juste dire « Oui, oui, mais non, c'est pas un fait. Oui, oui. » Ah, on répète le mensonge en espérant qu'il devienne vrai. D'ailleurs, une chose très drôle, Trump a accusé ce modérateur-là avant l'émission, avant le débat, il l'accusait d'être un démocrate et ainsi de suite, alors que le fameux modérateur, ça a l'air qu'il a eu sa carte du Parti républicain pendant des décennies. Là. Bon, effectivement. C'est pas mal ça. Sinon, pour le débat, il y a la candidate verte et le candidat libertarien qui n'ont pas pu être amenés au débat. En fait, la façon, eux autres, c'est un organisme privé qui gère les débats aux États-Unis. Puis, eux autres, la façon qui fonctionne, c'est qu'ils compilent les sondages et ils invitent les candidats indépendants au débat seulement s'ils ont en haut d'un certain pourcentage de la population qui veut voter pour eux. Bon, le candidat libertarien, ça y a pas plu. Le fait de ne pas être invité au débat, il a dit que ça n'a pas d'allure que ce soit un organisme privé qui gère cette affaire-là, ce qui est extrêmement ironique. Sachant que c'est un candidat libertarien. Par contre, j'ai pas lu beaucoup sur lui, mais faut pas faire un amalgame non plus entre ces libertariens-là et les libertariens qu'on a au Canada. C'est quand même quelque chose d'un petit peu plus fondé, là, mais... Ça va être un truc qu'on va creuser dans les prochaines semaines. Oui, mais sinon, tu voulais nous parler, on a un autre segment qui s'appelle « Le champion de la semaine ». Oui. Je vous introduis ça tout de suite. Ou là. Ça, c'est le début de saison. You are the best, but you say you don't know. You got the touch, now come on, let it shine. Donc, on a mal timé nos choses aujourd'hui, fait que je vais être très rapide sur le champion de la semaine. Qu'est-ce que le champion de la semaine? C'est quelqu'un qui a dont l'éloquence rejaillit positivement sur l'ensemble de l'humanité. Dis-je ironiquement, c'est souvent quelqu'un qui s'est ridiculisé dans les médias, en fait, dans la dernière semaine. Cette semaine, on a décidé d'y aller soft. D'ailleurs, ça me permet de garder très rapidement. C'est le ministre Laurent Lessard, qui est un ministre libéral, qui est ministre des Transports, qui est déjà le ministère qui est le plus scruté maintenant à cause de toutes les histoires de corruption qu'il y a eu là dans les dernières années. Donc, Laurent Lessard aurait réengagé son ancien adjoint, son ancien directeur de bureau de comté, qui est M. Yvon Nadeau, qui était en fait qui est le dirigeant de Probium Energy, une compagnie qui sollicite 3 millions de dollars d'aide financière du gouvernement provincial. Et en plus du fait que qui était déjà administrateur depuis longtemps de chalets qui sont loués dans le fond, de chalets de luxe qui sont subventionnés là encore par le provincial, ce qui crée une espèce de très, très, très, très, très, très grosse apparence de conflit d'intérêts et en fait un semblant de conflit d'intérêts réel. Monsieur Lessard est notre champion de la semaine pour son manque de jugement assez évident, surtout quand on est ministre des Transports, c'est sûr qu'on va se faire pogner à faire un truc comme ça. Mais je pense que tu as besoin d'avoir des trucs comme ça dans ton CV si tu veux être accepté dans le Parti libéral, non? C'est pas un peu comme l'initiation pour entrer dans le parti? Ben effectivement, c'est une chose qui est souvent qu'on commence à dire dernièrement. On dirait que depuis, en fait, tu dis ça, puis c'est avant, c'était des choses qui étaient cachées, c'était des choses qui étaient plus ou moins subtiles. Mais on dirait que depuis, mettons, un an, certaines personnes du Parti libéral essayent même plus de se cacher, en fait. Ça n'est même plus subtil. Dans ce cas-là, je veux dire, c'était très, très facile à se rendre compte. Ça a déjà été son adjoint qui était déjà dans le trouble quand il a démissionné la première fois. Puis là, on va le rechercher alors que c'est évident que ça va que ça va nous revenir en pleine gueule. Je vois pas le c'est rendu on dirait que c'est comme si on pourrait faire n'importe quoi quand on a un siège au Parti libéral. Exact. Présentement. Ben il y a aussi le nouveau une nouvelle personne qui à TransCanada qui fait une nouvelle personne qui est engagée à TransCanada pour gérer certains dossiers chauds environnementaux, qui est en fait un ancien candidat du Parti libéral qui a fait du lobbying pro-pipeline, tout ça, qui est sorti cette semaine. On a aussi le cas de le transfuge de la CAQ qui est venu, qui est allé au PLQ. Ça, c'est tout pendant qu'on était off, là. Ouais. Mais il est parti de la CAQ pour s'en aller travailler au PLQ. Puis il est parti. Avant de partir, ils ont un peu vidé les ordinateurs de la CAQ. Puis il est arrivé avec toutes les données électorales que la CAQ avait. Ça a fait un scandale. Puis là, ce qui est drôle, c'est que aussitôt que ça l'a sorti, avant même que le Parti libéral fasse un peu une réponse officielle à ça, ben, tout sur les médias sociaux, tout ça, le premier réflexe de beaucoup de députés du Parti libéral était de dire « Attendez avant de juger ». Mais sauf que les faits étaient là, c'est ça qui est drôle. C'est rendu un réflexe. Aussitôt qu'il y a quelque chose de malhonnête, ils n'ont même plus de réflexe de le condamner. C'est comme « Oh, quelque chose de malhonnête, c'est probablement nous, ça. OK, il ne faut pas condamner. Attendez, s'il vous plaît ». C'est rendu presque un réflexe chez ce parti-là. Ça en est hallucinant. Ouais, ben ça ce qu'il y en a qui dirait en fait, c'est que présentement les contre-pouvoirs ne sont pas très actifs. Évidemment, l'opposition officielle est présentement en course à la chefferie. La course vient de devenir très teigneuse, mettons. Donc on se dit que les clans en fait présentement au PQ sont plus occupés à se rentrer dedans qu'à s'occuper du gouvernement en place qui peut faire un peu ce qu'il veut. C'est un problème d'ailleurs quand on est dans une on va se le dire là, on est dans une démocratie de style britannique et les contre-pouvoirs sont importants dans nos styles de démocratie, puis présentement ben c'est ça, au Québec les contre-pouvoirs sont pas mal c'est ça. Mais on peut parler par rapport à ça. Ils ont sorti, là, peut-être deux semaines, une espèce de sondage, si on veut, générationnel. J'ai tendance à prendre avec un grain de sel tout ce qui est générationnel. Là. Mais tout ce qui est sondage fait au Québec aussi, d'ailleurs, on devrait. Oui, non, mais c'est intéressant parce qu'il disait qu'en fait, le PQ pourrait ne pas survivre aux prochaines générations. Puis en fait, une des raisons pourquoi le Parti libéral est facilement réélu la plupart du temps, bon, c'est pas juste une question d'immigration, c'est pas juste les immigrants et les minorités qui votent pour le PLQ, en fait, c'est que c'est les plus jeunes générations, les gens de notre génération, et la raison étant que c'est pas tant que ces gens-là approuvent toutes les politiques d'austérité, tout ça, c'est que ces gens-là, dans les autres partis, qu'est-ce qu'ils voient? Ben, ils voient un PQ qui essaie pas de courtiser le jeune électorat. On se rappelle que, bon, on a eu ça se souvenir très près de nous, le PQ était dans la rue en 2012, puis finalement, aussitôt au pouvoir, on a un peu planté un couteau dans le dos à la génération avec laquelle il a été dans la rue, puis ensuite, il y a eu la mise en place de toutes les politiques. Bon, on a parlé tout à l'heure de la Charte de laïcité. C'est pas quelque chose dans lequel les plus jeunes générations se reconnaissent. On est une génération quand même que, bon, pour nous, il y a rien là. À 8 ans, chatter avec quelqu'un d'un autre pays, puis là, on se ramasse avec un parti politique qui essaye de nous dire que, bon, ben ces gens-là, non, c'est pas nous, c'est eux, il y a une distinction très importante. J'ai l'impression que c'est presque par défaut, si on veut, que beaucoup de gens de notre génération peuvent voter PLQ, c'est pas tant parce qu'ils approuvent, puis il y a peut-être un cas de conscience à faire pour le PQ dans un cas comme ça? Ben c'est effectivement, c'est un problème qu'on parle autant de ça, de l'identitaire, de cette manière-là d'ailleurs, parce que l'identitaire, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais quand que ça prend la place du reste, quand c'est rendu la seule politique, quand c'est la politique du « nous versus eux », ça devient extrêmement problématique à la base. Puis effectivement, comme tu dis, ben en fait, j'ai pratiquement rien à rajouter à ce que tu dis. C'est vrai que les générations plus jeunes qui ont grandi avec Internet, on est plus ouvert sur le monde, on est plus en contact avec les autres cultures, on voyage peut-être même un peu plus malgré nos moyens, un paquet de choses comme ça. Fait qu'effectivement, puis c'est ça que le sondage disait justement, c'est que les nouvelles générations, l'identitaire, ça pogne pas pantoute. J'en reviens un peu au constat que je disais tantôt, c'est que les jeunes ne voteront pas pour l'ISE. Les jeunes vont voter pour les autres, vont se séparer entre les autres candidats et ça va permettre de rentrer l'ISE et il va se péter la gueule, excusez l'expression, en bon Québécois aux prochaines élections. Mais est-ce qu'il va encore faire campagne sur le dos de l'identitaire? Il y a les plus énervés identitaires vont embarquer quand même sur le train. Il y en a qui vont avaler des couleuvres qui étaient contre l'ISE actuellement, mais qui vont voter pour le PQ pareil, juste parce qu'il faut voter pour le PQ. Mais la majorité des gens vont probablement déserter le parti. Mais suite à ce sondage-là, d'ailleurs, il y avait un bon article de Patrick Lagacé qui dit on doit s'apprendre un simple fait. Pour les péquistes, le mot « multiculturaliste » est lancé à tout vent comme une insulte, alors que, dans le sondage, c'est démontré, la plupart des plus jeunes générations se disent ouvertement multiculturels, multiculturalistes. Mm. C'est une politique avec laquelle, bon, OK, je sais, on a déjà fait un lexique, le mot veut dire plein de choses, tout est son contraire. Mais quand même, le simple fait qu'une génération adhère à une étiquette et que le PQ s'en serve à tout vent comme une insulte, comme c'est mal en soi, ça c'est mal parce que c'est multiculturaliste, ça demande un certain schisme entre les générations envers le PQ. Ben c'est une abîme entre les générations, en fait, rendu là. Puis le multiculturalisme, en fait, je te reprends tout de suite, le multiculturalisme ne veut pas dire grand-chose. Tout ce que ça veut dire, c'est ça regroupe un paquet de choses. Mais en gros, le multiculturalisme, c'est pas une idéologie. C'est même pas une idéologie. C'est juste le genre de politique qui s'attarde au vivre ensemble et au c'est tout ce qu'on fait. Quand on dit qu'on ne veut pas intégrer culturellement, complètement assimiler culturellement les immigrants, on est encore en train de parler de on est encore en train de faire du multiculturalisme là. C'est la version la plus excessive et radicale du côté droite, mettons, du côté identitaire et limite fasciste du multiculturalisme, mais ça reste du multiculturalisme, c'est des politiques du multiculturalisme. Sur ce, avant de devenir rouge et de péter, de m'insurger, ça commencerait mal la saison. Je pense qu'on est dû pour. C'est déjà tout pour aujourd'hui, en fait. Ben oui. Premièrement, merci Lucas d'être revenu à la console parce que on va le dire tout de suite, c'est toi qui s'en occupe. Moi, je m'occupe de faire nos petits tableaux pour savoir où est-ce qu'on est rendu dans l'émission. Je vais en profiter aussi pour remercier le public de nous avoir écoutés et je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit lundi prochain pour La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de C'est fou 89.1 FM qui fait des blagues plates en fin d'émission.